On va parler de la Ligue nationale de hockey avec notre ami Marc Fortier. Salut Marc. Salut Danny. Marc, on va parler d'abord de Peter Stachny. C'est lui finalement que les amateurs ont décidé d'honorer dans le cadre de la dans le cadre d'un genre de sondage que la Ville de Québec faisait pour mettre une statue en avant du centre Vidéotron. Semble-t-il que Peter lui a demandé que son frère Anton et Marianne soient également sur la statue. C'est tout à fait logique, ça, hein? Ben oui, premièrement, le choix de Peter, c'était le choix unanime, à mon avis, là, comme vraiment ambassadeur ou comme candidat pour la statue en avant du centre Vidéotron. Il a marqué l'histoire des Nordiques, mais j'ai trouvé que c'était un beau geste de la part de Peter là, de vouloir avoir ses deux frères à côté de lui. Ils ont quand même risqué beaucoup, là, parce que c'est allé au-delà du hockey, cette décision d'amener les Stachny à Québec. À l'époque, on pouvait pas, s'ils s'en allaient de la Slovaquie, là, ils devaient, comme on dit, défecter leur pays. Alors, ils se sont sauvés. Les familles ont eu des conséquences. Marianne était venue un peu plus tard les rejoindre. Il y a eu des problèmes là-bas. Alors, c'était une décision hockey, une décision politique, une décision également de vie. Alors, de retrouver les trois là sur la même statue, là, je pense que c'est un choix logique. Et puis, je crois que les gens en place et la Ville de Québec vont sûrement y aller de cette façon-là. C'est vrai que c'est une histoire extraordinaire. J'écoutais hier Sylvain Bouchard au FM 93 à Québec qui racontait que Marianne, tu sais, parce que Peter et Anton sont arrivés dans un premier temps, et Marianne, si je me rappelle bien, c'est l'année suivante. Et Marianne était, ce que Sylvain racontait, Marianne était vraiment surveillée là, par les policiers là-bas en Tchécoslovaquie. Et pour être un petit peu avoir la paix, ben il a mentionné ou encore il a fait à croire que sa maison est en rénovation. Et donc, quelqu'un dit, et là, les policiers, quand ils ont vu que sa maison est en rénovation, ben là, ils ont comme un petit peu arrêté ou ils ont pesé sur le break concernant sa surveillance. Puis c'est là, c'est à partir de ce moment-là que Marianne, semble-t-il, a décidé de passer à l'Est. À l'Ouest, c'est-à-dire, parce que dans le c'est l'Est puis l'Ouest, là, mais elle a décidé de passer à l'Ouest. Donc, c'est vraiment une belle histoire, pareil. Puis ça, t'es d'accord avec moi, Marc, ça ferait quand même l'objet d'un film. Ça pourrait faire l'objet d'un film, ça. Absolument, absolument. Et puis, il y a un livre qui était sorti Ouais, aussi avec, ouais, je ouais. pense, c'est Gilles Léger, qui a raconté de la façon, lui, c'est parce que c'est lui qui est allé les chercher là-bas. Je crois qu'il était en Autriche, qu'ils attendaient. Et puis, tout le scénario qu'ils ont dû faire là, pour réussir à justement aller chercher les Stachny là-bas, c'est sûr que c'est digne d'un film. Et puis, c'est ce qui a marqué un peu l'histoire de notre équipe à Québec. Alors, c'est le fun, mais tu sais quoi, Danny? Moi, dans ce sondage-là et tout, tu sais, on n'est pas obligé d'en faire juste une statue, là. Écoute, à Montréal, t'as 4-5 statues en avant du Centre Bell. Toutes les grandes villes qui ont eu de grandes équipes sportives peuvent avoir plusieurs statues. Tu sais, moi, on parle des Stachny, oui, mais un Michel Goulet, c'est quand même un gars qui a marqué l'histoire des Nordiques également. C'est pas un gars à négliger. Un Joe Sakic, tu sais, c'est pas interdit éventuellement d'en faire plus qu'une statue, et j'espère que ça va être le cas, justement. En tout cas, ça devrait se faire bientôt, donc une statue des frères Stachny. Marc, hier, Marc-André Fleury faisait un retour à Pittsburgh. Quand on regarde ça, Marc-André Fleury, il a reconnu une très très belle carrière à Pittsburgh. D'ailleurs, les partisans hier lui ont fait savoir qu'il était apprécié. Trois Coupes Stanley. C'est vraiment été, écoute, là, c'est chouette. Tout premier choix, si je ne m'abuse bien, c'était en 2002. Donc, une belle carrière pour le gardien québécois. Une carrière extraordinaire à Pittsburgh. Ouais. Il a pas eu facile aussi, là. Tu sais, on disait tout le temps de Fleury, on était jamais sûr de lui, puis ouais. on disait tout le temps qu'il était peut-être pas capable en série d'amener son équipe jusqu'au bout. Mais trois Coupes Stanley, coéquipier extraordinaire selon les dires de plusieurs, même un Sidney Crosby qui l'a mentionné. T'sais, sa carrière continue encore. C'est extraordinaire, l'histoire de Las Vegas cette année. Moi, j'aurais pas parié 5 cents sur la possibilité d'avoir Las Vegas où ils sont présentement. Même pas, Mais j'aurais même non. pas parié une place dans les séries, Mais pour non. te dire. C'est C'est parce que normal c'est quand aussi, même. hein. Ben oui. Alors, chapeau 1 t'sais, à l'organisation de Las Vegas. Un coach extraordinaire. Ils ont fait quand même des bons choix. Gérard Gallant a une main de fer sur cette équipe-là. Les joueurs extraordinaires. Marchessault, c'est merveilleux de voir ça. Un petit gars qui joue encore 20 ans junior avec les Remparts, qui n'a même pas été repêché, et puis qui a fait sa niche tranquillement pas vite dans la Ligue nationale. Tu rajoutes des bons vétérans comme Fleury. Alors, c'est merveilleux l'histoire de Las Vegas cette année. Ah, c'est extraordinaire. La date limite des transactions s'en vient dans la Ligue nationale de hockey. Le Canadien a remporté 2 victoires, n'a même pas avancé. Donc, c'est pour ça, moi, je suis le premier à dire que je souhaite qu'ils perdent pour avoir un bon choix au repêchage. Parce que moi, je me dis, ça donne quoi là, de gagner ça là? Fait que, tu sais, la seule affaire que ça te donne, c'est que tu t'éloignes d'un choix au repêchage. Est-ce que Marc Bergevin. Parce que là, ce qui semble se décider, Marc, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'équipes de vendeurs. Et ça veut dire que tu sais, on parle de plus en plus que les Rangers vont vendre. On parle également. Donc, il y a quand même beaucoup de joueurs qui pourraient intéresser beaucoup d'équipes. Le Canadien, semble-t-il, va être vendeur aussi. Et il y en a d'autres également, là. Tu sais, on n'a qu'à penser qu'à Détroit, à Mike Green pourrait partir. Penses-tu que le fait qu'il y a plusieurs équipes de vendeurs et que ça va effectivement faire baisser la valeur? Sûrement. D'un Max Pacioretty, genre. Ben, c'est sûr et certain que Parce que plus Rick qu'il y a de Nash, c'est joueurs sur. semblable. Hein? C'était pas mal le même style de joueur, là. Ouais, c'est sûr et certain. Écoute, il va sûrement avoir beaucoup de joueurs disponibles pour les équipes qui veulent aller loin cette année. Oui, il y a des bons joueurs partout, mais tu sais, quand même, Pacioretty, c'est pas un méchant joueur. C'est un gars qui a quand même des saisons consécutives de 30 buts, presque 40. Pour vous, tu verras travaux. Quelle va être sa réelle valeur? Ça, c'est le marché qui va le dire. Mais tu sais, le Canadien, ils sont dans une grande période là, de réflexion sûrement, parce qu'il faut que tu dises que si tu vides ton équipe, ça va faire mal pendant longtemps encore, là. C'est un Non, sans bien vider qu'on complètement. doit faire. Sans vider complètement. Moi, je pense qu'un gars comme Pacioretty, ouais, parce que premièrement, là, Pacioretty, il a une belle valeur parce qu'il coûte pas cher aussi, puis il a marqué 30 buts. Ce gars-là va demander facilement 8 millions l'an prochain. Il va être joueur autonome l'an prochain. S'il vaut 8 millions, là, c'est une autre histoire. Oui, mais c'est sûr, mais Danny, ça peut pas ne pas avoir de répercussions si c'est Ouais. sans vider toute ton équipe, t'enlèves un gars comme Pacioretty, Ouais, c'est même si clair. on l'aime pas, même si on n'est pas unanime à l'aimer, c'est quand même un gars de 30-35 buts, là, ça va être ça de moins. Alors, ils n'iront pas chercher un joueur établi tant que ça. Je pense que s'ils décident d'échanger Pacioretty, c'est pour y aller pour la relève puis préparer notre futur. Alors, ça risque de faire quand même un trou dans l'équipe. Puis s'ils le font, je pense pas qu'ils vont. S'ils le font, ils le font à moitié, là. Ils échangeront pas juste Pacioretty puis that's it. Ils vont peut-être essayer d'échanger une couple de joueurs de valeur également. Je pense pas qu'ils vont se rendre jusqu'à Price, Non. mais ils vont peut-être quand même échanger un Petrie, je te donne ça comme exemple, ou même peut-être il y a une couple de joueurs qui peuvent être potentiellement des bons appâts pour les autres équipes. Alors, si le Canadien le font, ce sera pas le fun à Montréal pour un petit bout, là. Puis, mais comme je t'ai dit, Pittsburgh l'ont fait, Toronto l'ont fait, Edmonton l'ont fait, les grandes équipes, Chicago l'ont fait. C'est juste qu'on n'est pas prêt mentalement, je crois, à Montréal, chez les partisans, à avoir une équipe médiocre pendant plusieurs années. Mais si on veut se rebâtir une équipe potentielle à gagner la Coupe Stanley, on doit passer par ce Ben processus-là. effectivement, et Marc, ce que je veux dire, Marc, c'est que là-dessus, là, tu sais, le Canadien, moi, je parle en tant que partisan de hockey. OK? Moi, il fait au moins 20 ans que ce club-là tourne en rond depuis l'échange de Patrick Roy. Par contre, Jeff Molson, lui, c'est une business. Pas pareil, là. Un partisan de hockey puis une business, c'est pas pareil. De voir les cotes d'écoute qui baissent, je ne sais pas si tu as vu ça passer également. de voir qu'il y a des billets de disponibles de plus en plus. Pas sûr que ça lui tente, lui. Non, ça lui tente pas, mais d'un autre côté, tu T'sais, sais, je veux dire, c'est la chose à c'est faire là que avec tu dois prendre la. la pour gagner la Coupe Stanley, c'est la chose à faire, mais je suis pas sûr qu'on va se rendre là. Non, pas sûr, parce que c'est celui qui a le portefeuille qui prend des décisions. Mais si tu veux prendre vraiment une décision hockey, premièrement, c'est difficile, je crois, avoir le président de ton équipe qui est ton propriétaire Ben, ça, également, parce que effectivement. t'as deux pensées qui sont contradictoires un peu. Alors, moi, je pense qu'un homme de hockey devrait être à cette position-là et puis rebâtir complètement l'équipe. Alors, c'est sûr et certain que sentiments et argent là-dedans, des fois, font pas un bon ménage, mais rendu où ils s'en ont présentement, c'est sûr et certain qu'une reconstruction serait peut-être la meilleure Ouais, opportunité, là. c'est clair que c'est la meilleure affaire. Ouais. Moi, je pense que. Moi, je vois que Plekanec va partir. Je pense qu'on est capable d'aller chercher un choix de deuxième ronde. Andrusha, s'il aurait pas été blessé, on aurait été capable. Parce qu'il gagne 4 millions aussi, on aurait été capable, d'après moi, d'aller chercher un autre choix de repêchage, un choix de deux. Tu risques de te ramasser avec 6. Actuellement, ils ont 3 choix de deuxième ronde, un choix de premier, puis je pense qu'ils ont deux choix de trois, ou un choix de trois, on va dire un choix de trois. Si tu échanges Patty Retty pour un choix de première ronde, puis tu échanges Plekanec, tu commences à parler là, pour une relève. Si tu repêches bien, et si tu changes tes cartes à ce niveau-là, exemple, que changer les cartes veut dire congédier peut-être un Sylvain Lefebvre, ben, on commence à parler, là. Ouais, mais d'un autre côté, Dans une. je mettrai pas un 2 sur Plekanec pour un 2, là. À Montréal, on parle même C'est un gars qui est en enfant. que Bergevin est capable d'aller chercher un choix de première ronde. À Montréal, on lui fait à quoi ça? Moi, je dis un choix de Bon, ben, ah ouais, tout de suite, tout de suite, tout de deux. suite. Si Plekanec vaut un choix de 1, là, ceux qui sont les papiers, on sait que les copies, parce que je ne pense pas que. Mêler à sa meilleure valeur dans ses bonnes années, là. Si tu avais eu un choix de première ronde Plekanec dans son meilleur, tu aurais été très content. Alors, Mais je ne là, Antoine penserais pas Vermette, on qu'en parle fin de d'Antoine carrière Vermette. comme ça. On parle d'Antoine Vermette qui était pour un chien pour un choix de première ronde. Donc, là-dessus. Bon, mais il a gagné quelque chose. Là. Tu sais, Vermette, Ouais. il a quand même accompli certaines choses, mais pas la même âge. Mais c'est vrai que des fois, tu as bien raison dans un autre sens, parce que la valeur des joueurs, des fois, là, c'est surévalué, c'est sous-évalué, ça dépend de la demande, ça dépend qu'est-ce que les équipes recherchent. Alors, une valeur, c'est une valeur que nous autres, on donne, mais dans le fond, c'est le marché qui décide de ça. Puis c'est bien vrai qu'on a vu des échanges qui sont faits avec des choix ou des joueurs qu'on n'en revenait pas, puis c'est le marché qui fait ça. Alors, à suivre. Ouais, mais Marc, en terminant, je veux te parler. Est-ce que tu suis le baseball juste en terminant? Ben oui, hein, OK. oui. Est-ce que tu es au Oui. courant qu'il y a beaucoup de joueurs autonomes qui sont de qualité, à une semaine du camp, qui sont encore disponibles? Tu n'as entendu parler aux nouvelles? Je vais te poser une question par Ben, j'ai rapport pas au assez hockey par la suivi suite. ça pour le savoir, là, mais on voit très bien que Ouais. Est-ce que ça va venir au hockey? d'être agent libre n'importe quand? Non, est-ce que ça va devenir. Ben là, c'est sûr qu'au hockey, c'est pas tout à fait pareil, mais je vais te la poser la question pareil. Parce qu'au baseball, actuellement, il y a plusieurs joueurs autonomes de grand renom à une semaine du camp qui n'ont pas de job. Au hockey, c'est sûr qu'il y a moins. Je regardais hier la liste là, de joueurs intéressants pour juillet, là. Tu as John Tavares, puis ben les frères Céline, ça commence à passer date, là. Mais puis t'en as quelques-uns d'autres, mais rien à se tirer à la terre, là. Mais est-ce que tu penses que le marché des joueurs autonomes, ce qu'on vit au baseball actuellement, ça va venir au hockey, c'est que parce que normalement, quand arrive le 1er juillet, ça se garoche puis on a les signatures. Puis au baseball, c'est pas ça du tout, là. Donc, penses-tu qu'au hockey, le marché des joueurs autonomes va être appelé sans disparaître, être marché au ralenti? Ben, même si J'ai-tu. ma chose ralentit, tu sais, au baseball, là, Danny, ça sert à quoi, là, présentement, là, ça Ouais. sert à quoi, admettons, d'avoir tous tes joueurs autonomes signés? Il n'y a pas une game de joueurs encore, là, il y a Ouais, mais comme ça se pas de garoche un bout. panique, puis une équipe qui veut avoir la valeur maximum de ça, d'un joueur qui va avoir la valeur maximum, il va faire des enchères. Lui, il ne signera pas première équipe qui offre un contrat ou quoi que ce soit. Alors, la Ligue nationale, c'est la même affaire. Regarde, Matt Duchesne, là, on critiquait sa kick. Là. Regarde, tu le gardes, c'est pas correct. Mais je vais dire une affaire avec tout ce qu'il y a eu pour Duchesne, là, je pense que j'aurais été patient aussi, j'avais été sa kick là parce que ça lui a payé, parce qu'il vient d'accélérer son processus au Colorado pas à peu près là, avec cet échange-là. Alors, tu sais, à un moment donné, je pense que ça va toujours rester les joueurs autonomes parce que il y a toujours des équipes qui vont avoir plus d'argent que les autres et plus les moyens qui vont se faire de la place. Un Tavares, si tu penses que la journée qu'il devient joueur autonome là dans une couple d'années, si tu penses que c'est parce que les équipes se disent qu'on slack ces joueurs autonomes, tu vas voir qu'il y a quelqu'un qui va briser le silence et qui va aller signer un joueur comme ça. Alors, ça dépend de la qualité de tes joueurs, ça dépend du montant disponible, ça dépend de la période de l'année. Là, il n'y a pas de panique. Là. Au hockey, là, on s'en vient dans la période cruciale pour les échanges. Ouais. Ça, c'est, cette période-là est bien plus cruciale que la période estivale où ce que tu prépares ton équipe pour le futur. Alors, tu vas voir que la valeur des joueurs présentement, comparativement à ce que ça va valoir cet été, c'est une grosse différence. Mais c'est parce qu'on dit, je vais te dire ce qu'on dit au baseball, c'est que les propriétaires sont tannés de signer des contrats de 5, 6, 7, 8 ans. Ouais. Et c'est pour ça que ce qui explique pourquoi qu'on a tant de joueurs de baseball actuellement sur le marché. Encore. Ouais, mais, ils sont tannés, mais c'est eux autres qui donnent. Mais puis il y a tout le temps un propriétaire des Yankees lui il est prêt à payer la pénalité pour sauter le plafond salarial. T'as les Dodgers, t'as les Red Sox, t'as trop d'équipes qui ont de l'argent, puis que l'argent, tant aussi longtemps que ça sera pas l'argent ne sera pas une issue pour tout le monde, ça marchera pas ça parce que ces grosses équipes-là qui sont bourrées d'argent vont toujours eux autres passer par-dessus, si tu veux, une entente non écrite de dire qu'on touche pas à certains joueurs, ils vont toujours le faire, eux autres, parce que ils s'en foutent, eux autres, ils veulent avoir les résultats. Alors, ça va être difficile, je crois, d'éliminer les joueurs autonomes éventuellement. Puis c'est eux autres qui ont parti ces modes-là d'en donner des 8 ans, puis des 10 ans, puis des 20 ans. Ben, Caroline, à un moment donné, tu peux pas demander à un chien de jamais japper quand ça fait 10 ans que tu l'as japper. Tu sais, à un moment donné, des victimes de tes règlements puis des victimes de tes décisions. Alors, ça va être difficile d'arrêter ça. Marc, toujours intéressant. Bonne chance à Gatineau ce soir. Puis on s'en reparle dans une couple de semaines. Ça fait plaisir, Danny. Le collaborateur Marc Fortier.